Fatigué de ce monde, fatigué, fatigué. God is in the Lord tonight. Will I be praying all time? Attends, on est à combien? Ah ouais.